Les paysages sonores liés à la circulation comme dominante ne se limitent pas au flux routier. La vie automobile urbaine mélange des éléments sonores permanents et des événements parfois très rapprochés les uns des autres, souvent agressifs au plan sonore et générateurs de stress. Un exemple de situation composite enregistrée à proximité de la place de Catane. Nous sommes avenue Rhin et Danube, face à la rue des Champs-Élysées.